Bonsoir à tous les fidèles de la radio Isanganuro et bienvenue à ce journal dont voici d'abord les grands titres. Le premier vice-président de la République salue le travail déjà mené par le facilitateur dans la crise inter-burundais. Gaston Sindimo assure le soutien du gouvernement à Benjamin Mkapa pour la poursuite de son travail. Et certaines stratégies de lutte contre le cancer du col de l'utérus ont été adoptées. Vous allez le suivre à travers la voix du secrétaire permanent du ministère de la Santé publique, mais le représentant de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé au Burundi, trouve qu'il en faut d'autres. Et célébration ce 3 mars de la journée mondiale de la vie sauvage. Occasion pour les gardes-parcs du parc de Rouvoubou d'appeler les braconniers et d'en découdre avec cette pratique. Bienvenue François Kimana et du côté de la cabine technique Urbain Nyunguru à la présentation. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Page politique pour ouvrir ce journal. La nouvelle constitution qui sera bientôt soumise au référendum ne viole pas les principaux piliers de l'accord d'Arusha. Le point de vue est du premier vice-président de la République. C'était au cours d'une conférence de presse. Gaston Sindimo indique que plutôt que le nœud de la crise que traverse le pays réside dans le conflit des partis politiques et leurs leaders. Pour lui, que ces politiciens se mettent d'accord sur leurs divergences et le gouvernement est prêt à mettre en application ce qu'ils se sont reconvenus dans le dialogue. Il dit également que le gouvernement salue l'étape déjà franchie lors de la précédente session de dialogue. Suivez Gaston Sindimo. Vous savez, le dernier round de pourparlers à Arusha, c'est un pas remarquable. Faire rencontrer plus de 40 partis politiques et opposants intérieurs et extérieurs, ça nous suffit pour le gouvernement. Se saluer seulement, passer une semaine ensemble, manger ensemble, dormir ensemble, pour nous c'est une bonne chose. C'est le début de tout. Pour moi, nous saluons cette initiative et nous encourageons Mkapa de continuer comme ça. Et parce que Mkapa ne va pas vous imposer. Mkapa, il va écouter ce que vous allez lui dire et écouter les points qui pourront être de convergence. Et d'ailleurs, nous saluons l'étape là parce que, d'après le rapport, nous avons vu que la plupart des partenaires se sont mis d'accord sur plusieurs points, sauf deux points qui n'ont pas acquis le consentement de tous. Les autres points ont été unanimes par rapport à ce round. Comme nous l'avons décidé au niveau de la réunion, le gouvernement est disposé à accompagner le facilitateur Mkapa dans le processus de dialogue inter-Burundi. Alors quand je dis accompagner, je vais faire une nuance. La plupart des gens, ils croient que c'est le gouvernement qui négocie avec les partis politiques. Je vais appeler les partis politiques à négocier entre eux. Le jour où les partis politiques vont s'entendre, nous, au gouvernement, nous allons mettre en application les résultats de leur dialogue. Donc, la crise au Burundi est née des partis politiques, vous le savez. Certains partis politiques ne veulent pas participer aux élections. D'autres ne veulent pas participer à la candidature du président de la République. C'est la crise. C'est la naissance, c'est la source de la crise. Aujourd'hui, nous voulons que ces promoteurs de la crise, ces partis politiques, se mettent ensemble pour conclure et pour nous donner un plan d'action que le gouvernement nous devons mettre en application. Ce n'est pas au gouvernement de négocier, c'est le gouvernement d'encadrer les partis politiques pour qu'ils puissent négocier sans problème, pour qu'ils puissent avoir l'espace pour travailler. Donc pour nous, j'ai dit au même président qui était là que le gouvernement est disposé. Alors le jour où les partis politiques vont s'entendre, nous allons mettre en application ce qu'ils nous proposeront. Isanganiro. Page environnement. À présent, à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la vie sauvage, le responsable du parc de Rouvoubou invite tous les habitants des contrées proches à rompre avec les pratiques de braconnage, s'attaquer aux bêtes sauvages équivaut à une menace de l'équilibre écologique, selon ses gardes-parcs Dieudonné Nzeyimana. Des herbivores, amphibiens, primates, carnassiers et oiseaux Telles sont les grandes familles d'animaux sauvages visibles dans la réserve naturelle de la Rouvoubou. C'est le patrimoine commun, mais certains des habitants des contrées riveraines à cette forêt menacent plutôt certaines espèces, telles les buffles recherchées par les braconniers. La chasse visant les troupeaux est signalée côté commune Winouza et Nakiro. Les effectifs de buffles d'ailleurs regressent si on se fie aux statistiques de l'année 2018 comparativement à 2017 d'après les gardes des parcs. Si par endroit, des habitants regrettent que des animaux dépassent aussi le domaine du parc pour s'en prendre à leur culture. Raison suffisante pour les tuer comme en situation de légitime défense, les responsables du parc jugent inadmissible tout motif qui conduirait à abattre un animal. Marc Racondinois, les responsables du parc, réaffirme que les animaux sauvages font partie du patrimoine universel à préserver. Ça contribue au développement durable via les aspects écologiques, culturels, voire économiques. À l'occasion de la journée mondiale de la vie sauvage, le responsable du parc invite les amis de la faune et la flore à visiter cette réserve s'étendant sur des parties des provinces Ruigi, Changuzo, Karuzi et Muyinga. Tom Muyinga, Dieudonné Nzeyimana pour la radio Isanganiro. Tom Muyinga, au nord du pays, rendons-nous au sud en province Rumonge pour parler éducation. Plus de 2800 élèves du fondamental et du post-fondamental en province Rumonge ont abandonné l'école au premier trimestre de l'année scolaire en cours. Plusieurs raisons expliquent ces abandons, dont l'ignorance chez les parents, indique Adrien Sabouchimi, qui est directeur provincial de l'enseignement dans la dite province. Les détails avec Jean-Pierre Misago. 2846 élèves, dont 2594 du fondamental, garçons et filles confondus, et 252 élèves du post-fondamental ont abandonné l'école au premier trimestre de l'année scolaire en cours, et cela dans la seule province scolaire de Rumonge. Adrien Sabouchimike, directeur provincial de l'enseignement à Rumonge, qui donne ces chiffres, explique que l'ignorance de l'importance de l'école chez certains parents en est la principale raison, mais la famine qui sévit dans certains ménages y est également pour quelque chose. Les mobiles de ces abandons sont de plusieurs formes. D'abord, je vous signalerai que la plupart de ces élèves, ce sont des enfants qui sont abandonnés dans le métier de pêche ou bien dans le métier d'extraction de l'huile, et les parents ne sensibilisent pas les enfants. Qui... L'année non même une autre catégorie où les parents se déplacent dans mon marotte et ils se déplacent avec les enfants. De même, il y a des élèves qui circulent mais qui abandonnent pas l'ignorance de les parents. L'année même, certains élèves que nous avons déjà remarqué qui abandonnent l'école suite à la famine. Nous avons constaté que il y a même des élèves qui viennent à l'école sans prendre quelque chose le matin, même à midi. C'est pourquoi il est difficile que le lendemain revienne l'élève. Ce responsable scolaire dit que ses effectifs sont énormes et l'urgent est, selon lui, de redoubler d'efforts en collaboration avec l'administration locale dans la sensibilisation des parents et les élèves que le meilleur avenir de leurs enfants est à l'école. Jean-Pierre Misago depuis Rumonge, Radio Isanganiro. Parlons santé à présent. Des moustiquaires ont été saisis ce vendredi sur la colline Muramba de la commune et province Bubanza. Les responsables sanitaires qui les ont saisis indiquent qu'elles étaient utilisées hors usage habituel. Ce moment où les mêmes responsables sanitaires exerçaient des activités de sensibilisation pour la lutte contre le paludisme en collaboration avec le programme national intégré de lutte contre le paludisme et ALUMA, action de lutte contre la malaria, Space Caritas Cabagnana. L'une de ces trois moustiquaires qui ont été saisies par les responsables sanitaires sur la colline Muramba dans la commune de Bubanza était utilisée pour la construction d'un poulailler. L'autre était utilisée pour sécher le maïs et l'autre comme emballage des paniers remplis de tomates. Comme nous l'avons constaté, les responsables sanitaires qui les ont saisies déplorent le fait qu'il y a encore des gens qui ignorent l'usage des moustiquaires. Et c'est au moment où ils viennent de passer 4 jours dans la sensibilisation des populations à travers les collines de cette province de Bubanza sur la lutte contre le paludisme, une activité qu'ils ont réalisée en collaboration avec des envoyés du programme national intégré de lutte contre le paludisme, PNLP en sigle, un programme du ministère de la Santé publique, mais aussi en collaboration avec Aruma Burundi, action de lutte contre la malaria. Certains habitants de la même colline de Muramba ont cependant indiqué qu'ils n'ont pas eu de moustiquaires lors de la dernière campagne de distribution. Et les animateurs communautaires qui ont suivi de près cette distribution affirment avoir donné le rapport aux autorités hiérarchiques. C'est Caritas Kabanyana, Bubanza, Radio Isanganiro. Page santé toujours, mais cette fois-ci pour parler du cancer. Administrer le vaccin contre le cancer du col de l'utérus aux jeunes filles avec l'âge compris entre 9 et 13 ans dans les provinces pilotes d'Ngozi et Lomangui est l'une des réalisations du ministère de la Santé publique et de lutter contre le sida dans le but de lutter contre ce cancer. Cela a été dit ce vendredi par le secrétaire permanent à ce ministère dans les cérémonies de célébration de la Journée mondiale de lutte contre le cancer, une journée célébrée au niveau mondial le 4 février de chaque année. Suivez Eram Senghomo, il est secrétaire permanent au ministère de la Santé publique. Luttons contre le cancer, car ce fléau existe bel et bien au Burundi. C'est aussi une maladie qui décime beaucoup de gens dans notre pays. Nous sommes tous appelés à combattre cette maladie avec le thème « Nous sommes capables » et c'est possible de se prévenir du cancer dans notre pays. Il y a des activités qui sont en cours en rapport avec la prévention du cancer. Par exemple, le ministère de la Santé a un projet d'essai sur la prévention du cancer du col de l'utérus en province de Lomongue et d'Ngozi pour les jeunes filles de 9 à 13 ans. Quand nous faisons un dépistage du cancer et que les examens révèlent qu'elles ont le cancer, nous pouvons les soigner. Le secrétaire permanent au sein du ministère de la Santé publique a été traduit par notre confrère Thierry Fayokurera. Et quant au représentant de l'OMS au Burundi, Dr Ruhamamirindi Bisimwa, dit que cela ne suffit pas, mais qu'il faut adopter d'autres stratégies. Suivez-le. Depuis décembre 2016, le Burundi a administré le vaccin contre le papillomavirus humain aux jeunes filles de la troisième année primaire et celles de 10 ans non scolarisées dans les districts sanitaires de Ngozi et Lomongui dans le projet de démonstration. C'est une initiative louable, mais pas suffisante. Reconnaissant que la menace croissante du cancer pose un problème de santé publique, les gouvernements du monde entier ont adopté la résolution de l'Assemblée mondiale de la santé sur le cancer en 2017. Ils se sont engagés à respecter les 22 actions que les États membres doivent prendre pour réduire le nombre de décès par cancer chaque année et améliorer la vie des personnes atteintes par un cancer. Les principales priorités identifiées étaient les suivantes. Promouvoir la santé, réduire les risques, accroître la disponibilité des vaccins anticancéreux et veiller à ce que la détection précoce, les diagnostics, le traitement du cancer, les soins et le traitement de la douleur cancéreuse soient plus accessibles et effectués en temps voulu. La résolution met aussi un accent particulier sur la prise en charge du cancer chez les enfants, les adolescents et les jeunes qui ont des besoins spécifiques. L'Organisation mondiale de la santé encourage les individus à faire des choix de mode de vie sains. Chacun de nous peut faire la différence. Nous lançons un appel au gouvernement pour qu'il amorce des changements stratégiques conformément à son engagement en matière de lutte contre les maladies non transmissibles et qu'il réduise de 25% d'ici à 2025 la mortalité prématurée imputable aux maladies non transmissibles. Certaines stratégies efficaces peuvent aider à sauver les vies, notamment les stratégies qui visent une couverture élevée de la vaccination contre l'hépatite B et le papillomavirus humain dans la population cible, le dépistage du cancer du col de l'utérus chez les femmes éligibles et la promotion du diagnostic précoce. Dernier élément de ce journal, 157 détenus de la prison centrale de Rutana ont été libérés ce vendredi dans le cadre de la mise en application de la grâce présidentielle du 31 décembre dernier. Raphaël Nfayoukourira, directeur de cette maison pénitentiaire, a conseillé aux prisonniers qui venaient de recouvrer la liberté de s'amender et de se garder de commettre les infractions qui leur avaient coûté l'emprisonnement. Ainsi s'achève ce journal, mais dans quelques instants, vous allez suivre la revue de la presse hebdomadaire. Bonne suite des programmes sur Radio Isanganiro et bonne soirée. Revue de la presse. Bonjour ou bonsoir, selon l'endroit où vous vous situez. Le Burundi reste un sujet de préoccupation pour la communauté internationale. L'hebdomadaire Iwachu revient ici sur les propos de Michel Kafando, l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies. Brossant un tableau qualifié de sombre de la situation politique, économique et sociale au Burundi, il a tiré la sonnette d'alarme en demandant une vive implication de l'Union africaine. Il revient à cette organisation de rester fortement engagée en vue de l'aboutissement d'une médiation. Mais l'Afrique semble esquiver la patate chaude, selon Iwachu. L'hebdomadaire qui déplore que 2 ans et demi viennent de s'écouler et la communauté est-africaine n'a rien fait de concret pour impulser un dialogue politique inclusif aux protagonistes dans le conflit burundais. Complicité, connivence avec Bujumbura, indifférence, désintéressement, lassitude, des questions sans réponse selon notre confrère. Le journal Iwachu qui parlait d'une bonne nouvelle, deux présumés agresseurs de son journaliste Désiré Cindy Heboura ont été arrêtés. Passé à tabac, le journaliste du groupe de presse Iwachu est mal en point depuis son agression dans la soirée de samedi 24 février en commune Guéta de la province Gitega. Les agresseurs présumés du journaliste ont été interpellés mercredi 28 février alors qu'il répondait pour la deuxième fois à une convocation de l'officier de la police judiciaire en charge du dossier. À en croire encore Iwachu, l'OPJ a sorti des convocations pour 3 autres témoins oculaires qui avaient eu peur de témoigner à cause des menaces qui pèsent sur eux. Le journaliste Désiré a été agressé alors qu'il prenait un verre dans un bar à Guéta. Il a été grièvement blessé au niveau du menton, des bras, des genoux et il a des côtes cassées. Mais d'un autre côté, le magazine Burundi Echo parlait des conclusions salutaires sur la scène médiatique par le Conseil national de la communication. Cette institution de régulation des médias reconnaît que le dossier de demande d'autorisation d'exploitation de la radio Bonesha FM est régulier et conforme à la loi régissant la presse au Burundi. Mais il y a un mais. Aimé Divine Niokwizigigwa, vice-présidente et porte-parole du CNC, a indiqué qu'il a été recommandé à l'association Radio Bonesha de lui fournir une attestation de non-poursuite judiciaire en référence à la délibération de la session de Muyinga des 27 et 28 septembre 2017. La plénière, qui a également statué sur le cas de la sanction infligée à Egide Nduwimana, directeur de publication du journal Igihe, pour avoir publié un article jugé contraire à la déontologie professionnelle et à la loi régissant la presse au Burundi, le Conseil a finalement décidé de lever la sanction. Revue de la presse. Éducation pour dire que les frais des documents pédagogiques ne sont pas les mêmes pour tous les enseignants. C'est du moins le titre du journal La Voix de l'enseignant. Une somme variant entre 2000 et 8000 francs burundais, c'est la part donnée à chaque enseignant du secondaire pour acheter les cahiers de préparation, d'évaluation, de cotation, les stylos, ainsi que d'autres matériels nécessaires à son travail. Cette allocation, qui varie d'une province scolaire à une autre, est décriée par les bénéficiaires. Un enseignant de l'école secondaire à Bujumbura qui dispense les cours dans 5 classes de niveaux différents fait savoir qu'il utilise au moins 8 cahiers de 100 feuilles par an. Il en estime le coût à 12 000 francs burundais. À cette somme, il faut ajouter celle d'autres outils pédagogiques comme les stylos, les crayons, le matériel de dessin et de traçage, etc. L'enseignant fixe à 30 000 francs burundais la valeur réelle des documents pédagogiques. Il ne comprend pas le critère sur lequel se base le ministère de l'Éducation nationale pour élaborer le budget destiné à l'achat du matériel scolaire. L'agence burundaise de presse écrit sur la remise des premiers documents de voyage qui sont désormais produits au guichet unique provincial de Ngozi, pas seulement à Bujumbura cette fois. Il s'agit d'une nouvelle structure décentralisée pour octroyer des documents de police et autres documents des agents de la fonction publique qui a commencé à fonctionner le mardi 27 février. Les documents qui ont été délivrés sont notamment des passeports, des laissez-passer et des cartes de voyage CPGL. Maintenant, poursuit l'ABP, il ne sera plus question de dépenser le ticket aller-retour pour se rendre à Bujumbura à la recherche de ces documents. 5 guichets uniques provinciaux ont été ouverts à Ngozi, Muyinga, Gitega, Ngaro et Bururi. La communauté de blogueurs Yaga écrit sur les risques de présenter un copain aux parents. À l'ère des telenovelas, de l'influence des réseaux sociaux, estime la blogueuse Inès, avoir une petite amie ou un petit copain est devenu monnaie courante au Burundi, dans la rue, au bar, partout où les jeunes peuvent se rencontrer. Il est fréquent de voir deux jeunes amoureux bras dessus, bras dessous. S'ils ont la chance de rester ensemble, leur relation peut évoluer aux fiançailles, voire au mariage. Mais connaissant notre société, est-il pertinent d'annoncer sa relation à sa famille avant le mariage ? S'interroge le billet. Ainsi s'achève cette revue hebdomadaire de la presse qui vous a été présentée par Francine Ndiokubgayo et Léonce Vitaliho. Excellent week-end chez vous, à la prochaine. Revue de la presse.